Doctrine d'Averroès. Morale et politique d'Ibn Rushd. La morale occupe très peu de place dans la philosophie d'Ibn Rushd. En général, les éthiques d'Aristote, sans doute parce qu'elles portent un cachet beaucoup plus hellénique, n'eurent pas chez les Arabes une fortune comparable à celle des œuvres logiques, physiques et métaphysiques. La discussion d'Ibn Rushd avec les Motokelmins sur le principe de la morale mérite seule d'attirer notre attention. Les Motokelmins soutenaient que le bien est ce que Dieu veut, et que Dieu le veut non par suite d'une raison intrinsèque et antérieure à sa volonté, mais uniquement parce qu'il le veut. Déjà nous les avons vus attribuer à Dieu le pouvoir de réaliser les contradictoires et transférer à sa volonté libre tout le gouvernement de l'univers. Cela constituait un système très conséquent avec lui-même, qu'Ibn Rushd n'a cessé de combattre sous toutes les formes. Cette fois il n'a pas de peine à montrer qu'une telle doctrine en morale renverse toutes les notions du juste et de l'injuste, et détruit la religion qu'elle prétend consolider. Ibn Rushd a également soutenu contre les Motokelmins les vraies théories de la philosophie sur la liberté. L'homme n'est ni absolument libre, ni absolument prédestiné. La liberté, envisagée dans l'âme, est entière et sans restriction, mais elle est limitée par la fatalité des circonstances extérieures. La cause efficiente de nos actes est en nous, mais la cause occasionnelle est hors de nous, car ce qui nous attire est indépendant de nous et ne relève que des lois naturelles, c'est-à-dire de la providence divine. Voilà pourquoi le Coran présente l'homme tantôt comme prédestiné, tantôt comme arbitre de ses actes. Cette solution intermédiaire entre celle des Jabarites et celle des Qadarites est donnée par Ibn Rushd, dans son traité intitulé « Voie de démonstration pour les dogmes religieux », comme un exemple de l'interprétation philosophique et éclectique que l'on peut donner aux doctrines de la théologie. De même, dit-il ailleurs, que la matière première est également apte à recevoir les modifications contraires, de même l'âme a le pouvoir de se déterminer entre les actes contraires. Cette liberté, toutefois, n'est ni le caprice, ni le hasard. Les puissances actives ne connaissent pas l'état d'indifférence, l'égale contingence ne se rencontre que dans le monde de la passivité. La politique d'Ibn Rushd, on s'y attend bien, n'a pas grande originalité. Elle est tout entière dans sa paraphrase de la République de Platon. Rien de plus bizarre que de voir prise au sérieux et analysée comme un traité technique cette curieuse fantaisie de l'esprit grec. Le gouvernement doit être confié à des vieillards. Il faut inspirer la vertu aux citoyens en leur apprenant la rhétorique, la poétique et les topiques. La poésie, celle des Arabes surtout, est pernicieuse. L'idéal de l'État est de n'avoir besoin ni de juge ni de médecin. L'armée n'a d'autre fonction que de veiller à la garde du peuple. Que serait-ce si les chiens de berger mangeaient les brebis ? Les fiefs militaires sont le fléau des États. Les femmes diffèrent des hommes en degré et non en nature. Elles sont aptes à tout ce que font les hommes, guerre, philosophie, etc. seulement à un degré moindre. Quelquefois elles les surpassent, comme dans la musique, si bien que la perfection de cet art serait que la musique fût composée par un homme et exécutée par une femme. L'exemple de certains États d'Afrique prouve qu'elles sont très aptes à la guerre, et il n'y aurait rien d'extraordinaire à ce qu'elles puissent arriver au gouvernement de la République. Ne voit-on pas, en effet, que les femelles des chiens de berger gardent le troupeau aussi bien que les mâles ? Notre État social, ajoute Ibn Rushd, ne peut laisser apercevoir tout ce qu'il y a de ressources dans les femmes, il semble qu'elles ne soient destinées qu'à mettre au jour et à allaiter leurs enfants, et cet état de servitude a détruit en elles la faculté des grandes choses. Voilà pourquoi on ne voit parmi nous aucune femme douée de vertu morale, leur vie se passe comme celle des plantes, et elles sont à charge à leur mari eux-mêmes. De là aussi la misère qui dévore nos cités, car les femmes y sont en nombre double des hommes, et ne peuvent se procurer par leur travail le nécessaire. Le tyran est celui qui gouverne pour lui et non pour le peuple, la pire des tyrannies est celle des prêtres. L'ancienne république des Arabes reproduisait parfaitement celle de Platon, Moawiya, en fondant l'autocratie omeyyade, gâta ce bel idéal, et ouvrit l'ère des bouleversements, dont notre île, l'Andalousie, ajoute Ibn Roche, est loin d'être sortie. En général, cette paraphrase est pleine de détails intéressants pour l'histoire de l'Espagne musulmane. Markendanarchive.org 2021, d'après Books Google FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.